legacy I leave behind. Be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name. I don't The Seed, autrement dit la graine, c'est celle que plantaient en 2003 les rappeurs ricains The Roots, toujours au top pour prendre racine. Papa, nom masculin, qui plante la graine. Moi, la graine, j'aimais la plante toute seule. Eh bien, puisque l'ivraie est rude, il est temps pour nous à 11h11 de planter les bonnes graines desquelles jailliront les modestes péripéties laïques de ce 193e épisode du Mangin Palace. Et la première de ces graines, c'est évidemment notre petite session freudienne, car ce matin, Monsieur Divan Beaujolais nous a concocté une édition spéciale puisque la réforme des retraites a sonné, c'est l'alali. Allez, en route maestro pour une histoire tirée de faits réels, tend bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin. Cette histoire est tirée de faits réels. On dit qu'il manquera 100 milliards d'euros par an dans les caisses de retraite d'ici 2050. Oh, c'est vraiment terrible. D'où vient ce chiffre ? Comment vous appelez, monsieur ? Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT. J'ai posé la question à monsieur Darcos. On me dit service du Premier ministre. Je dis d'où vient le chiffre auprès des services du Premier ministre ? On ne sait pas. Faut pas rêver. Donc je vois bien qu'il y a aussi une tentation de dramatiser la situation. Qu'est-ce qu'on va faire ? On est tellement baisés. On n'est pas capable de dire ce que sera l'activité économique dans un trimestre. Ah non. Y compris en matière d'emploi. C'est le bordel total. Et on nous demande de valider une réforme. Immédiatement. Cette année, en vue de projection pour 2050. Tout de suite, là, maintenant. Bah oui. C'est comme si on avait demandé aux Français en 1970, prononcez-vous sur ce que sera la situation en 2010. Oui, enfin, psychédéliquement parlant. Concernant la réforme des retraites, il n'y aura pas de texte de loi adopté pendant l'été. Nicolas Sarkozy. Zoltan. Il semble vouloir prendre son temps. Je vous accorde une demi-heure. Comme prévu, Nicolas Sarkozy a donc rencontré ce matin les syndicats. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour leur annoncer le calendrier de la réforme. Messieurs, voilà comment je vois les choses, et c'est tout simple. Les syndicats inquiets à la perspective d'un texte qui aurait été voté en juillet. Et savez-vous ce que j'ai trouvé ? Voilà donc un calendrier qui leur donne à moitié satisfaction. Nicolas Sarkozy n'aura pas prêché dans le désert. Je n'impose pas de moyenne horaire, je suis bon prince. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une tactique magistralement effectuée par Nicolas Sarkozy. J'en reste sans voix. De quoi s'agit-il ? D'une feinte que l'on pourrait comparer à la feinte rude bistique dite du faux trou. C'est une plaisanterie, j'imagine. Deux défenseurs s'écartent un peu l'un de l'autre pour faire mine de faire un trou dans la défense. On y va. Pour attirer l'attaquant. À ce moment-là, vous resserrez la défense. Putain ! Et l'attaque est coincée. Ouais, c'est ça. Explique-moi alors. L'Elysée avait laissé fuiter l'information selon laquelle Nicolas Sarkozy ferait du Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que sur les retraites, il avait décidé d'aller vite, de négocier au pas de charge, voire de ne pas négocier du tout pour finalement faire voter la réforme en 12 pendant l'été, pire pendant la Coupe du Monde de foot. Ah, merde, encore une fois. Le faux trou parfait. Pardon ? C'est à ce moment-là que le président a bouché le faux trou. Je crois que j'ai eu l'idée de l'année, non ? Contrairement à ce que laissait entendre son entourage, il allait prendre le temps d'évaluation commune, voire de la négociation. Très fort. Dénoncer la méthode dans ce contexte devient très limité. C'est vrai ? Du point de vue de l'Élysée, pour éviter la réussite d'un printemps social mouvementé, il fallait absolument lever l'hypothèse du passage en force. Je sens que vous regarderez le rugby d'une autre façon. Nous allons discuter, se parler avec abondance, avec intelligence. Nous nous récusons un certain nombre d'évidences qui nous sont... Disons-nous tout ce qui nous passe par la tête. Présentées. Xavier Darcos s'est exprimé. Parlant sans méthode. François Fillon également. Madame on a déjà Parizeau. Puisque la méthode ne nous réussit pas. Madame Parizeau. La réforme du régime général de retraite est une nécessité impérieuse. Force de faire l'autruche. Nous avons créé de l'anxiété et probablement une forme de perte de confiance dans l'avenir dans notre pays. Oui, ça décourage moi à fond. Mais non, il ne faut pas se décourager. Surtout pas, puisque du courage, il va nous en falloir pour travailler jusqu'à un âge très avancé. Eh oui, l'air du temps est à la réforme des retraites, mais le fond de l'air est frais pour le maintien des acquis sociaux et de la retraite à 60 ans. Alors ce matin, pour participer à cette grande concertation, la panique au Mangin Palace a décidé de pointer sa loupe sur un des partenaires sociaux essentiels pour la question, le MEDEF. L'occasion rêvée de tirer le portrait de sa cheftaine, Dame Laurence Parisot, héritière du groupe Parisot, qui truste l'industrie du meuble en France. Eh oui, Laurence a été élevée entre le mobilier et le CAC 40 par un papa qui a su lui transmettre les valeurs de son entreprise et les ficelles du métier. Pour cette réparation, il nous faut le matériel suivant. Deux bouts de bois, appelés aussi tasseaux, de 50 cm environ. C'est environ, ça peut être 49 comme 22. Une scie égoïne, celle avec les dents. Un cutter. Une spatule. Du papier de verre. De la pâte à bois. Et puis, il faut être un petit peu technique aussi de temps en temps. Une visseuse dévisseuse. Une mèche et des vis de CAC 40. Comme à la bourse ? Non, ce sont des vis qui ont un diamètre de 4 mm et une longueur de 40 mm. 4-40, mais c'est vrai que j'ai un peu prononcé CAC 40. Les voilà. Nous utiliserons également un embout en forme de croix, un embout cruciforme, de cruci-croix et forme, forme. Et justement, pour se former, Laurence Parisot a quitté la Haute-Saône, fief de l'entreprise familiale, afin d'aller faire ses études de droit à Nancy. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Ensuite, elle a intégré l'Institut d'études politiques de Paris. Bon, très rapidement, Laurence Parisot s'est lancée dans la vie active avec du lourd. En 1985, elle met les pieds dans l'Institut de sondage Louis Harris et un an plus tard, elle en est la directrice chapeau bas. Puis en 1990, elle prend la direction de l'IFOP. Belle carrière professionnelle, donc, dans les instituts de sondage, ce qui, bien sûr, a eu des répercussions dans sa vie privée. Les sondages ! Mais les sondages, c'est devenu une horreur, j'en fais des cauchemars maintenant, moi. L'autre nuit, dans mon cauchemar, j'étais coincé entre deux statistiques et je me faisais sonder l'IFOP par Louis Harris. J'ai réveillé ma fiancée, je lui ai dit, chérie, j'ai fait un cauchemar, je t'en supplie, faisons l'amour. Mais tu es fou ! Mais tu n'as pas lu le sondage sur la sexualité des Français. Mais 65% des Français ne refont jamais l'amour en pleine nuit. Tu veux pas te faire remarquer quand même, non? Oh chérie, laisse-moi te faire l'amour à 100% de mes possibilités. Mais tu es fou, surtout pas. D'après un sondage, tais-toi. Mais tais-toi, je me fous de savoir que d'après un sondage réalisé auprès des buveurs de Carlsberg à la gare Saint-Nazaire pendant les vacances de Pâques, il est prouvé qu'un homme de 40 ans qui a fumé un pétard en 1968 et qui refait l'amour avec sa femme en pleine nuit risque de se choper un cancer de la prostate en 2024. Mais je m'en tape ! Oui, mais Laurence, elle ne compte pas attendre 2024 pour avoir plus de pouvoir. Ah ben oui, c'est une ambitieuse, Lolo, hein ? Alors elle cumule les sociétés, les jetons de présence dans les conseils d'administration et se rapproche peu à peu du MEDEF, le si populaire mouvement des entreprises de France. D'ailleurs, en 2005, Laurence Parisot a passé le casting pour devenir présidente du MEDEF en remplacement d'Ernest Antoine Sellière. Vous appelez comment ? Laurence Parisot. Très bien, on t'écoute, Laurence. Quoi ? Qu'est-ce que j'apprends ? Total fait des bénéfices et licencie ? Ah, mais alors là, mais je suis mais effondrée, mais écœurée. Vous m'aviez donné votre parole. Pendant la crise, vous deviez être irréprochable. Je suis bouleversée, anéantie. Ma vie s'effondre comme un château de cartes. Alors là, moi, c'est un grand oui. Hein. Tu fais passer une émotion incroyable. Je veux te voir à Davos avec nous. Est-ce que notre jury va trouver la perle rare ? Le nouveau capitaliste capable de continuer l'ancien capitalisme en faisant croire que c'est un nouveau capitalisme. Vous le saurez après cette courte pause. Et de pause, il n'y en a pas. Car Ernest Antoine Sellière apporte son soutien à son successeur, la nouvelle présidente du MEDEF. Enfin, le peu regretté Ernest Antoine, qui même à la tête du MEDEF fleurait si bon le CNPF ou les 200 familles, n'a pas vraiment digéré le changement de style imposé par Laurence Parisot et il le lui a dit en aparté. Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille. Moi, c'est pour écraser l'ouvrier. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons les boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole. Avoue que tout ça est bourré d'injustice. Oui, effectivement, la vie est bourrée d'injustice. C'est violemment rendu compte Laurence Parisot lorsqu'elle a été confrontée en 2007 au scandale des caisses noires de l'UIMM. Bon, je ne vais pas te resservir maintenant cette histoire obscure, mais souviens-toi, Laurence a juré avoir découvert cette affaire dans la presse. Ouais, bien sûr. Enfin, Laurence a tout fait pour reprendre les choses en main à la tête du MEDEF. Donc si je vous ai réunis, c'est pas pour parler chiffon, hein? Bon, c'est pour regarder un petit peu ensemble vos chiffres de la semaine. Donc on y va? Je suis pas contente. Je vous écoute. Oui, oui, devant tout le monde, on y va. Allez, Pérez, c'est vous qui commencez, on y va, Pérez. Je suis là, vous cachez pas derrière votre frange pourrie, là, trop longue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en clientèle, Pérez? On vous écoute. C'est pas de votre faute? Les temps sont durs? Ouais, taisez-vous, m'énervez. Alors, qui est-ce que j'ai pas entendu? Oui, bah vous, ça va, on a compris. Berger, peut-être? Ça serait intéressant de l'entendre, Berger. Quel regard vous portez sur la semaine, ou alors? Hein? Faut dire louche, Berger, elle y voit rien. Est-ce que tu veux qu'elle porte comme regard sur la semaine, Berger, comme ça? Berger! Non, arrêtez de pleurer, je vous taquine. Alors, qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est quoi? La récession? C'est la récession? Bien sûr, ouais. La récession? Ouais, bien sûr. Elle a bon dos, la récession. Ce sont surtout tous ces gauchistes et autres syndicalistes qui posent problème au MEDEF. Enfin, avec certains, ça se passe quand même pas si mal, hein. Peu importe, car pour Laurence Parisot, l'essentiel est d'être sans cesse présente dans les négociations et dans les médias pour rassurer tout le monde et affirmer les intentions altruistes du patronat. D'ici quelques mois, il va y avoir une reprise mondiale. Aujourd'hui, plus que jamais, ayons la PME attitude. D'ici quelques mois, il va y avoir une reprise mondiale. Laurence Parisot, sainte patronne du MEDEF, protégez-nous des patrons voyous. Aujourd'hui, plus que jamais, ayons la PME attitude. Eh oui, c'est la Parisotive attitude. Bon, il faut dire que Laurence Parisot est très bien entourée. Mais bon, ça, c'est au cœur de l'éducation d'un bon patron. Savoir s'entourer de gens compétents, venus de la com, des médias et de la politique, tant qu'à faire. Enfin, de quoi faire passer les messages. Madame la Présidente, oui, alors on est d'accord alors, hein. Vous vous adressez directement à vos employés, ce sera diffusé sur un écran géant, hein. Vous allez voir, on a fait quelque chose de très bien, de très chic. Donc de la sincérité, de la sincérité. Oui, donc j'essaie d'être moi-même, d'être sincère. Voilà, on peut pas mieux dire. J'essaie d'être crédible. J'essaie d'être crédible, quoi. Voilà, okay, d'accord. Super, je vous embrasse. Ok. Bon, on y va? Action! Ok. Bonsoir à tous et vive la COGIP! L'énorme succès de nos montres calculettes a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 38,2. C'est pourquoi les trois quarts de nos effectifs seront licenciés avant Noël. Désolé. Coupé! Wow, génial! J'étais bien? Génial! Super classe! Bravo! Extraordinaire! I'm traveling my treasure hunt. I'd like to be under your stone. I tried to make you love me, then the mistake. The seashore and never love by mistake. I'm wondering, my treasure home. Gotta tell me to bring you my home. I tried to make you love me, then the mistake. The seashore and never love by I'm wondering. The Mistake. C'est la sympathique erreur de Framix, juste avant d'ouvrir notre dossier Malcolm X. Cette lettre X est à l'honneur ce matin. Bien avant qu'on pose un X géant à Times Square pour annoncer la sortie du film de Spike Lee, le X était programmé pour rapporter au moins 100 millions de dollars. Il y a une marque de pommes de terre chips qui s'appelle X, et sur chaque paquet, on peut lire cette légende. X, c'est pour tout ce qui est inconnu, le langage, la religion, les ancêtres, les cultures. X est un concept et nous dédions ce produit au concept X. Jusque-là, les chips faisaient partie de la junk food. Et voilà qu'on en fait le support d'une idée abstraite en introduisant en plus un élément de confusion parce que X peut aussi signifier aux États-Unis « attention, poison ». Alors maintenant, à 11h26, envisageons cette lettre X comme le patronyme anonyme que s'est choisi Malcolm Little afin d'effacer ce nom de famille anglophone que les esclavagistes avaient imposé à ses ancêtres. Né en 1925, ce leader afro-américain, Malcolm X, avait néanmoins du sang blanc dans les veines puisque sa grand-mère fut violée par un blanc dont elle eut un enfant. Adolescent, ce Lascar fut un petit voyou des faubourgs d'Harlem, avant d'être condamné à 10 ans de tôle pour un simple vol. À sa sortie de prison, il devient musulman et rejoint un mouvement politique, Nation of Islam, dont il devient très vite le porte-parole. Et là, à l'opposé du pasteur Martin Luther King, Malcolm X prône la violence pour l'émancipation du peuple noir opprimé. Et comme il est un leader très écouté, les autorités commencent à le redouter sérieusement. C'est dans ce contexte trouble que Malcolm X fut assassiné à New York le 21 février 1965, il y a tout juste 45 ans. À cette occasion, nos joyeux fantômes radiophoniques ont été chargés d'essayer de résoudre ce meurtre énigmatique. Ainsi, écoute ce que nous rapporte notre Bernard l'Ermite planqué au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions très concentrés, car nous avions, pour dimanche, un mystère à élucider. Le meurtre de Malcolm X. Un cas d'école. Première étape, examiner le corps. Aux États-Unis, Pierre Charpentier, Harlem, est envahi par les forces de police. Le quartier noir de New York enterre aujourd'hui Malcolm X, le leader extrémiste assassiné dimanche dernier, au cours d'un meeting, précisément à Harlem. La cérémonie va se dérouler dans un ancien cinéma transformé en temple protestant depuis 15 ans. Le pasteur a prêté son temple, c'était un ami de Malcolm X. L'ancien dirigeant des musulmans noirs ne sera pas enterré naturellement selon un rite chrétien, mais selon le rite musulman. Le pasteur a dit aux journalistes « Depuis que j'ai pris la décision de recevoir dans mon église la dépouille mortelle de Malcolm X, je reçois sans arrêt des coups de téléphone anonymes qui m'annoncent que des bombes seront déposées chez moi avant peu. » Alors l'enquête a commencé. Comme toujours, les soupçons se sont portés d'abord sur l'entourage de la victime. Mais comment pouvez-vous expliquer la mort de Malcolm X ? Car il semble bien que Malcolm X ait été assassiné par des musulmans noirs. Oui, c'est une rivalité, certainement c'est une rivalité entre les sectes extrémistes. C'est presque une rivalité personnelle, plus que de difficultés politiques, plus que d'opposition politique. Mais on ne pouvait pas s'arrêter là. Alors, on est allé fouiller dans de vieux dossiers classés X. Les documents du Pentagone, grâce à Daniel Ellsberg, ne sont plus secrets pour personne. Chaque Américain découvre effaré la révision des grands procès des années 60, dont celui des auteurs présumés du meurtre de Malcolm X. Un dossier parmi tant d'autres que William Kunstler s'est acharné à réouvrir. Malcolm X était un de mes clients et je suis convaincu qu'il a été tué par le FBI. L'enquête piétinait quand un témoin majeur s'est manifesté. James Baldwin faisait le lien entre Malcolm X et Martin Luther King, lui aussi assassiné 3 ans plus tard. La réalité de notre situation était si sévère que le chrétien et le musulman noir étaient forcés de se mettre ensemble. Car le pauvre Martin et le pauvre Malcolm étaient exactement dans le même cadre. Et ils représentaient exactement le même danger parce qu'il y avait des Noirs qui les écoutaient. Nous avions les forces en présence. D'un côté, les États racistes et le gouvernement fédéral intégrationniste. De l'autre, Martin Luther King le pacifiste et Malcolm X l'extrémiste. Il ne restait plus qu'à organiser tout ça. Actuellement, on peut dire que si les méthodes de Martin Luther King n'apportent pas l'émancipation dans un délai raisonnable, eh bien les jeunes extrémistes, après l'assassinat de Malcolm X, risquent de se retourner vers cette tendance de la violence extrême. Tout le monde le sait aux États-Unis, Martin Luther King le premier, vous venez de le dire, le gouvernement des États-Unis également. Et les leaders noirs jouent constamment de cette menace d'un recours à la violence extrême auprès du gouvernement américain, et lequel gouvernement américain lui-même se sert en somme de cette possibilité d'un recours ultime et frénétique à la violence pour peser à son tour sur les instances locales et amener, si l'on veut, l'émancipation des Noirs. Voyez-vous, c'est une sorte de jeu à plusieurs étages dans lequel les extrémistes ont un certain rôle à jouer. Bon, on ne savait pas vraiment comment il était mort, mais on savait pourquoi il avait vécu. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, on trouve des X un peu partout. Bonjour monsieur, je vous appelle pour le CV anonyme. Oui. Donc oui. J'ai envoyé mon CV anonymement à une entreprise qui m'a proposé un entretien. Oui. Sauf que le jour de l'entretien, j'étais toujours noir. Oui. Donc ça ne sert à rien. Ah bah oui. Ah bon. Merci beaucoup Flora Bernard pour cette petite mise au point sur les ombres qui entourent la mort de Malcolm X. Mais il est temps dès à présent de passer nos actualités locales au rayon X, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, nous sommes attendus à Gros Boule les Bains, où Monique, In the Mood for Love, et Jean-Claude, Kung Fu Panda, ont été invités dimanche dernier à célébrer le Nouvel An chinois au sein de la communauté Hmong du village. Ce peuple de montagnards, les Hmong, originaires du sud de la Chine, préfèrent au calendrier grégorien les conclusions astronomiques de l'Observatoire de la Montagne Pourpre à Nankin. Ainsi, dimanche dernier, 14 février, nous sommes entrés dans l'année du tigre et à l'heure du thé, tous les voisins du quartier de Monique et Jean-Claude se sont pointés chez monsieur et madame Guizou. Et c'est leur fille qui a présenté la culture Hmong à Jean-Claude. Ici, beaucoup de Hmong sont très à cheval sur les traditions. La première, c'est de jamais leur toucher la tête, même celle des enfants. Notre peuple est persuadé que la tête est le siège de l'âme. Alors, pas touche. À tes ordres, mais je trouve ça stupide. Beaucoup de Hmong considèrent que regarder une personne droit dans les yeux, c'est très vulgaire. C'est pour ça qu'ils baissent la tête quand vous les fixez. Ouais, autre chose à savoir ? Oui, il arrive de voir des Hmong qui se marrent ou qui sourient quand on leur hurle dessus. C'est dû à notre culture. C'est une façon d'exprimer l'embarras ou le manque d'assurance, pas du tout une façon de se moquer. Je crois que ton peuple, il a un grain. Mais la bouffe, elle sent très bon, même qu'on se laisserait tenter. Oui, bien sûr, c'est de la bouffe Hmong. Ouais, parfait. Je pourrais revenir pour du rab. Bien sûr. Après cet empiffré de Nyangao, les pâtisseries traditionnelles, Jean-Claude se descend quelques bières chinoises. Moins savoureuse à son goût, bien sûr, qu'une bonne vieille mousse alsacienne. Néanmoins, l'ivresse est la même, et comme d'habitude, Jean-Claude commence à déconner sévère. Tout d'abord, il demande aux Hmong où sont les tartes au citron, puis il réclame de l'alcool de riz, histoire de débrider ce goûter chinois. Monique se mortifie de honte. Mais tu te rends compte à quel point tes propos sont racistes ? Non mais tu me fais honte, tu me fais penser au type que j'ai rencontré là tout à l'heure. Quel type ? Un type, là, dans la rue, un culte. Il croyait que le Mékong coulait en Chine, tu vois, déjà. Après, pour me parler des Indochinois, enfin, je veux dire, t'es cambodgien, tu sais ce qu'il me dit ? Des jaunes avec les yeux bridés, il faut appeler un chat. Non, mais tu te rends compte ? Bah, toi aussi, tu peux te rendre compte. Ce monsieur a une peau plutôt jaune et ses yeux sont bridés. Mais on peut pas définir une personne de cette façon. Effectivement, si. Toi, t'es blanche et t'as les yeux ronds, non ? Oui. Ça te choque pas quand je dis ça ? Non. Enfin, attends. Les yeux ronds, ça connote un peu abruti, hein, tu vois. On dit faire les yeux ronds. Justement, c'est ça qui te choque aussi pour les autres. En France, un jaune, c'est un traître. Mais dans d'autres pays, le jaune, c'est la couleur divine. Le noir, pour nous, c'est la couleur du mal. Mais pour d'autres, c'est la couleur de la perfection. Le blanc, c'est la pureté. Mais pour d'autres, c'est le néant. Je t'assure que pour un noir, le blanc, c'est le néant. Ouais, Enfin, Monique préfère abandonner Jean-Claude à ses théories fumeuses et préfère rejoindre ce groupe de voisins qui s'est rassemblé autour d'un vieux fusilier marin à la retraite qui profite de ce nouvel an chinois pour se souvenir de ses voyages au long cours. Le Yangtze-Kiang n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune, avec des jonques et puis des sampans de chaque côté. Et au milieu, il y a des tourbillons d'îles flottantes avec des orchidées hautes comme les arbres. Et Yangtze-Kiang, camarades, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. Et avec tout le long des villes pontons, on peut tout acheter, les alcools de riz, les religions, et puis les garces et l'opium. Je peux vous affirmer, tenancière, que le fusilier marin a été longtemps l'élément décoratif des maisons de thé. Dans ce temps-là, on savait rire. Elle s'était mise sur la paille pour un maquereau roué rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Et la veille venant de Formose tirée d'un bordel de Shanghai. Oh, c'est beau. Oui, Monique est subjuguée par cette sublime carte postale sépia de la Chine. Mais, de son côté, Jean-Claude s'emmerde. Du coup, il décide de faire chauffer un disque dans la platine, histoire de mettre un peu d'ambiance à ce goûter de la communauté Hmong. Oh mais merde! Mais c'est quoi ce CD qui saute là? Encore un truc qui a été fait en Chine? Putain de Chinois! Putain de Chinois! Ils travaillent pas cher, mais ils s'appliquent pas! Immédiatement, les Hmong rient très fort, tant ils sont gênés par la goujaterie du Jean-Claude. Et pour faire diversion, un vieux patriarche asiatique décide alors de lancer une tradition du Nouvel An chinois, celle d'offrir une bande de papier rouge sur laquelle est inscrit un vers pour célébrer la fortune de l'avenir. D'ailleurs, il en offre à Monique. Les biscuits de la fortune. Chaque maison possède une salle de bain. Elles valent pas un clou, ces prédictions. Vous avez un problème? Vos phrases sur l'avenir sont minables et sont censées prédire des trucs et nous réconforter quand on a des doutes ou quand on est malade. Ah bien, sans vouloir être grossier, je suppose que monsieur saura formuler de plus jolies pensées. Je vais, oui. Je vous en prie. Vous serez stimulé par une pub pour un shampoing. Ça n'a pas mal. Suivez-moi. Le patriarche Hmong est à bout de nerfs face à ce crétin de Jean-Claude. Alors, après son allusion débile au shampoing, là, le vieux chinois lui propose, accompagné de plusieurs invités eux aussi sarcastiques, d'aller vérifier par lui-même ce que signifie réellement que chaque maison possède une salle de bain. Bravache et moqueur, Jean-Claude ouvre la porte de la salle d'eau. Oh merde ! C'est quoi ce bordel ? Calme-toi, c'est moi. Il y a un tigre dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fauve dans la salle de bain. Ah bah, ça va, je vais voir, je vais voir, je vais n'entre voir. N'entre pas, n'entre pas. Sois prudent, n'y va pas. Tu vois? Oh, tu vois? Oh, tu vois? Il y a un tigre là-dedans, il déconne pas. Non, il y en a pas. Si! Il est énorme, gigantesque. Eh oui. Pour les Chinois, c'est l'année du tigre. Alors forcément, il y en a un dans la salle de bain. Jean-Claude et ses deux potes sont terrifiés, d'autant que maintenant, les pétards pétaradent, puisque c'est la nouvelle année. Du coup, dans un vacarme d'enfer et réfugiés au premier étage, ils décident tous les trois d'essayer d'échapper à ce tigre affamé qui commence à défoncer la porte. Nos trois lascars s'imaginent alors berner ce fauve, quand soudain, en haut de l'escalier, apparaissent deux agents de police, leur flingue à la main. Ne tirez pas, ne tirez pas, nous ne sommes pas un tigre. Nous sommes... Pourquoi êtes-vous déguisé en tigre? Oh, pourquoi? Répondez à la question. Eh bien, nous sommes juste... Voilà, si nous sommes déguisés ainsi, c'est parce que... On a fait ça pour rigoler, pour changer un peu. On faisait la brinque, c'est aussi simple que ça. Pas de quoi fêter un chat. La vérité, c'est qu'on est complètement braque. Nous étions des malades mentaux internés dans un hôpital dont nous nous sommes échappés en fabriquant cette peau de tigre avec de vieux cartons de cornflakes. Ça n'a aucune importance. Quoi? Inutile de savoir pourquoi ils sont déguisés en tigre. Oui, Tout le monde s'en fout de savoir pourquoi Jean-Claude et ses potes sont déguisés en tigre. Car les deux policiers sont là avant tout pour endormir ce véritable fauve qui s'est échappé de la ménagerie du cirque ce matin et que les Hmongs ont recueilli chez eux comme un signe du zodiaque. Encore une fois, Jean-Claude fut ridicule dans cette affaire, mais ce n'est que justice. Cependant, la communauté Hmong a été très choquée par le comportement lourdingue du Jean-Claude lors de ce nouvel an chinois. Alors, pour apaiser les esprits, la municipalité de Gros-Boule-les-Bains a décidé pendant toute la semaine de rebaptiser leur village Tigreville en hommage à la nouvelle année chinoise. Bon, cela dit, pour finir, ça n'a pas changé grand-chose à l'esprit de notre petit village fleuri. D'ailleurs, ces derniers jours, les visiteurs de passage n'ont pas été impressionnés par l'accueil des gros boulets de Tigreville. C'est la première fois que vous venez à Tigreville, bah ce ne sera pas la dernière. On a 20 000 Parisiens tous les étés, mais il y en a qui viennent depuis avant la guerre. Messieurs, à Tigreville. À Tigreville. Messieurs, votre accueil me bouleverse, mais ne saurait égarer mon jugement. J'ai tout de même pas mal voyagé. Ce qui me permet de vous dire, en connaissance de cause, que votre patelin est tarte comme il n'est pas permis. Et qu'il y fait un temps de merde. Je suppose que monsieur plaisante. Absolument pas. Vous savez combien il y a eu de jours de soleil en juillet? 17. Soleil de mes fesses. Vous savez pas ce que c'est que le soleil? Non. Sans aucun doute, Gros-Boule-les-Bains ne sait pas ce qu'est véritablement le soleil puisqu'il flotte sans cesse sur ce patelin complètement tarte. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours en direct du Mangin Palace et à 11h42, il est temps bien sûr de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, justement, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple redoute la pluie mais chérit la neige, à savoir le chousse. Pourquoi ? Eh bien parce que notre facétieux reporter a voulu en savoir un peu plus sur l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, dont la 21e édition, comme tu le sais, se déroule en ce moment à Vancouver. Ainsi, M. Dugast est allé à la rencontre de M. Éric Monin, ancien sportif de haut niveau, devenu depuis chercheur à l'Université de Belfort-Montbéliard et spécialiste de l'histoire du sport. En conséquence, découvrons ensemble tout chousse les prémices de ces Olympiades de la glisse immédiatement après la virgule. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Cinq consonnes, une voyelle, chousse. Bah, le chousse, c'est tout simplement la possibilité d'aller très très vite. Hein. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Il faut savoir qu'en 1968, eh bien, Jean-Claude Killy, donc, où là il va gagner 3 médailles d'or à la descente, enfin en ski alpin, eh bien, ils vont tout simplement créer une mascotte. Ce sera la première des Jeux Olympiques hein, et elle va s'appeler chousse. Le planté de bâton ne va pas du tout. Le planté de bâton, ouais. Pourquoi je suis parti un petit peu sur ces Jeux Olympiques d'hiver? Parce qu'en fait, j'ai fait une découverte extraordinaire. C'est que je me suis aperçu que quand Coubertin lance les Jeux Olympiques en 1894, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 23 juin, eh bien, en fait, il propose aux Grecs d'organiser donc les Jeux en 1896. Mais ces Jeux étaient pour le coup très universels parce que les Grecs pouvaient faire du patinage. On pouvait organiser du patinage, du hockey. Alors évidemment, ce n'était pas possible. Mais en fait, il y avait déjà une addition de tous ces sports été hiver dès 1896. En 1908, aux Jeux Olympiques de Londres, eh bien, il y avait eu des champions de patinage. En 1920, des champions de hockey sur glace. En effet, l'aventure olympique est exaltante et bien peu, lorsque Grenoble a obtenu les Jeux en 1964, s'imaginer une telle ampleur. Oh, the weather outside is frightful. Je me suis aperçu que Coubertin, en fait, ne voulait pas froisser une certaine population qui était les Scandinaves. Parce que les Scandinaves, dès 1900, avaient ce qu'on appelle les Jeux du Nord. Et c'était des Jeux Olympiques, en fait, hein, d'hiver. Hein. Et Coubertin, pour pas froisser les susceptibilités, a dit, bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas faire des Jeux Olympiques d'hiver à côté des Jeux d'été, mais c'est d'inclure bon an mal an ces épreuves-là. Les Scandinaves ont montré un petit peu leur mécontentement, et là Kuberta dit ok, moi ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement en 1924, les Jeux de Paris, ils ont lieu à Paris, moi je propose que la ville organisatrice des Jeux de Paris organise une semaine internationale des sports d'hiver. Voulez-vous qu'on aille prendre un verre de vin chaud ? Et là, bon an mal an, les choses ont très très bien marché hein, à Chamonix. Et rétrospectivement parlant, le CEO a dit les Scandinaves, ils sont très gentils, mais globalement, nous, notre semaine internationale des sports d'hiver a très très bien marché. Et là, tout simplement, le CIO, le Comité international olympique, a pris rétrospectivement parlant, a pris la décision en 1925 au Congrès de Prague de dire, écoutez, cette semaine internationale des sports d'hiver, on la nomme premier Jeux olympiques d'hiver. Donc les Jeux olympiques d'hiver sont nés, avec une année de retard. Oh bon, faut de la neige pour les Jeux olympiques maintenant. Bah oui, c'est les Jeux olympiques d'hiver, Roselyne. Oh bah oui, mais enfin, tu me dis rien, Rama. Après, moi, je passe pour une gourde. Bah, je te l'ai dit, mais t'étais en train de compter tes vaccins. Après, ce qui m'a, fortement intéressé, c'est que j'ai découvert qu'en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est que les Jeux olympiques d'été organisés par les Américains, par les Français, etc., eh bien, les Allemands avaient la possibilité d'organiser les Jeux olympiques d'hiver en même temps. Ils étaient prioritaires. Alors, ça explique pourquoi, en 1932, les Jeux ont lieu à Los Angeles et en même temps à Lake Placid. Pourquoi les Jeux ont lieu à Berlin et après à Garmisch-Partenkirchen. Revenons aux Jeux d'hiver, si vous voulez bien. C'est vrai qu'ils ne sont pas très médiatisés, on en parle assez peu. Oh, bon, oui, ça on est au courant. C'est parce que c'est pas médiatisé qu'on est obligé d'y aller, hein? Sinon, on aurait regardé à la télé. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot tic-tic-tic-tic. Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Bien. Que dire de plus? Peut-être préciser qu'à Pékin, en 2008, lors des dernières Olympiades d'été, il y avait 205 nations représentées. Et durant cette quinzaine à Vancouver, elles ne sont que 82. Oui, les Jeux Olympiques d'hiver sont avant tout une compétition entre pays riches. Mais bon, pour être un peu plus poétique et un peu moins rabat-joie, laissons le dernier mot enneigé à Jean-Luc Godard, qui va t'offrir ici une sublime définition du silence. Écoute bien, car c'est magnifique. J'avais demandé aux élèves, donnez-moi une image de... du silence. Est-ce que vous avez une image du silence? Puis bien sûr, il vous dit, c'est quand tout se tait, ou quand on n'entend plus rien, ou les choses comme ça. Et je leur avais cité la phrase de Jules Renard qui dit comme exemple du silence de la neige qui tombe sur de l'eau. J'adorerai l'onde dans s'il le faut. J'adorerai. J'attendrai. C'est évidemment Claude François qui, en 1966, rendait un vibrant hommage à la poésie de Jean Cocteau. Un poème de Jean Cocteau. Attendre. Mon chéri, tu sais être tendre. Mais pourquoi me jouer des tours? Surtout pourquoi faut-il t'attendre, t'attendre, t'attendre toujours? Je me tais, vois, je suis contente. Laisse ta main dans mes cheveux. J'attendrai, j'attendrai. Autant que tu le veux. Ah, c'est classe, hein. Alors maintenant, à 11h51, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mange à Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Eh bien, cette semaine, la presse souligne combien il est difficile de choisir la carrière à embrasser pour conserver espoir en l'avenir. Pour commencer, j'ai lu avec attention le courrier des lecteurs du magazine Jeune et Jolie, le mois de février, puisque dans le courrier des lecteurs tenu par cette chère Julie, on trouve une rubrique incroyable. Tout connaître sur votre avenir à partir de l'empreinte de votre rouge à lèvres. Voilà. Donc Philippe, vous pourrez essayer, hein. Vous mettez votre plus beau rouge à lèvres, vous faites un gros bisou sur du papier, et puis comme ça, vous connaîtrez votre futur, c'est super bien. Mais surtout, surtout dans le courrier des lecteurs de Jeune et Jolie, je suis tombé sur une lettre signée Carla. Ah ouais, c'est page 97. Vous l'attendiez, ça. Alors Carla, elle demande conseil, elle écrit à Jeune et Jolie, parce qu'elle s'inquiète. Elle s'inquiète pour sa meilleure amie Malika, désespérée depuis que ses professeurs lui ont conseillé de s'orienter vers l'apprentissage. Bon alors bien sûr Philippe, il est facile ici de lire entre les lignes, hein, à la place de Malika, il faut bien sûr comprendre Rachida, à la place de professeur, bon ben c'est Nicolas, et quand Carla parle d'être envoyée en apprentissage, il faut traduire par être envoyée à Strasbourg. Voilà. Alors la réponse de Julie de Jeune et Jolie est de dire qu'il y a beaucoup d'avantages à être vite confronté à la vie professionnelle. Et effectivement, mercredi, Rachida Dati a prêté serment d'avocate devant la première chambre de la Cour d'appel de Paris. Voilà, jeune et jolie, et députée européenne et avocate, une belle reconversion. Mais Philippe, il y a ce mois-ci une autre reconversion à souligner, c'est dans Éducation Magazine, qui dans son numéro 3 nous offre une interview de Luc Chatel, le ministre de l'Éducation nationale. Mmh. Éducation Magazine s'inquiète de la reconversion de Monsieur Chatel. Vous avez fait carrière dans le secteur privé. Vous n'appartenez pas au sérail de l'éducation nationale. Pensez-vous que votre inexpérience soit plutôt un inconvénient ou bien un avantage? Bon, je rassure tous les enseignants qui nous écoutent, c'est une vraie force, répond Luc Chatel, qui dit avoir une grosse expérience de responsable des ressources humaines dans une entreprise privée. Nous devons être à la fois plus exigeants avec les profs, mais en même temps leur donner de l'espoir. Voilà, et bien justement, dans Éducation Magazine, Luc Chatel explique que sa priorité... c'est la lutte contre l'échec scolaire. Alors, moi, au début, j'avais pensé que ça voulait dire la lutte contre l'échec du système éducatif mis en place, là où les profs sont un peu laissés à l'abandon. Vous avez vu ça, Philippe, oui. Hein, la succession d'agressions dans le Val-de-Marne, au lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre, au lycée Adolphe Chériot de Créteil. Lundi, c'est au lycée Guillaume Apollinaire de Thiers qu'un ado a été blessé, bon, à coup de cutter. Il n'a pas été tué à la Kalachnikov ou au canon de 75, juste blessé. Et ben, vous savez quoi? Ces profs grognons, ils râlent. Voilà. Enfin, bon, plus exactement, ils font jouer leur droit de retrait. Alors, Philippe, je précise tout de suite, pour ceux qui auraient une certaine inexpérience du code du travail, que le droit de retrait n'est pas, dans le jargon enseignant, l'équivalent du coitus interruptus, à savoir un bon moyen pour éviter les gamins. C'est pas ça, le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est quand un salarié cesse son activité car il se sent menacé pour sa vie ou pour sa santé. Alors, par exemple, au lycée Guillaume Apollinaire de Thiers, le Parisien nous raconte ce qui s'est passé. Pendant un cours de gymnastique, plusieurs jeunes se sont introduits dans le gymnase et ont fracassé un autre avec des battes de baseball. Bon, vous me direz, l'outil était plutôt approprié pour un cours de sport. Bon, après, ils y sont allés au cutter. Alors... Ça fait plus EMT, hein, vous vous souvenez? Ah, l'EMT. Ah, l'éducation manuelle et technique. Ça existe encore, ça? Non, c'est technique maintenant. Mmh. Alors, les profs, les élèves sont intervenus, tout le monde a été gazé, donc droit de retrait au lycée Apollinaire. Hein, voilà. Alors, le quotidien Le Monde nous apprend que les professeurs du lycée Chériot à Vitry, qui exerçaient eux aussi leur droit de retrait après une agression, ont trouvé mercredi dans leur casier une petite lettre leur annonçant des retraits, enfin des... retenus, ah oui. Hein, sur leur salaire. Voilà, comme ça. Mais c'est bien, les profs d'Apollinaire sont prévenus, ils peuvent commencer à faire des économies. C'est ça aussi, donner de l'espoir, Philippe. Hein. Bah tiens, autre forme d'espoir, ce sont les états généraux sur la sécurité à l'école que vient d'annoncer Luc Chatel. Bon, il faudra attendre avril, hein. Oui. On a le temps. Oui. C'est bizarre, les profs, eux, demandent seulement quelques surveillants supplémentaires et tout de suite. Bon, ils ne veulent pas la révolution, les profs. Hein. Bah, c'est dommage parce que les états généraux, pour commencer la révolution, c'était pas mal. C'est bien. Non, surtout, ils ne veulent pas un nouveau bricolage pour endormir tout le monde. Vous voyez, genre mettre des caméras dans les lycées. Parce que Libération de mercredi nous apprend que Xavier Bertrand défend l'idée de développer la vidéosurveillance dans les lycées. Voilà, mais alors, c'est dommage parce que les dernières agressions ont eu lieu dans le Val-de-Marne, là, dans des lycées équipés de caméras. Ah, c'est ballot. Problème. Alors, bah oui, le bricolage avait déjà été fait. Mmh. Bon alors, pour aider Luc Chatel à trouver des solutions, j'ai cherché dans le magazine Bricoler, du côté de sa maison, qui nous propose dans son numéro de janvier-février, alors je sais pas, bah, tenez par exemple, nettoyer et poser un lustre à Pompille. Voilà, voilà une idée de réformette pour donner du lustre à l'éducation nationale. Un lustre à Pompille, Philippe. C'est pas mal, ça, pour faire oublier cette bombe à retardement, là, pour la dégoupiller. Parce qu'il serait sans doute bon, en revanche, d'oublier les suppressions massives de postes et le manque d'encadrement. Merci beaucoup, Monsieur Maudby, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 193e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mange à Palace, c'est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci Monsieur Xavier. Au platine et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Cédric Lalanne et de Pascal Baldassari. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Et pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les Scuds, on a bien sûr l'inépuisable Thierry Dupin. Merci Thierry. Merci aussi à Olivier Lefayard pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au documentaliste de Lina et à Lucie Lerat, notre sympathique stagiaire. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter, après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve dimanche prochain en direct, mais aussi samedi. Dans notre cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique, à 11h sur France Inter, avec de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.